Mbengue. L'hôtesse dépose quelques fruits secs à côté de nos flûtes de champagne. Jetons les friandises à Nathalie, qui en est encore à intégrer ce que je viens de dire. Tu as vécu 2 ans dans ce pays, il y a longtemps. De 78 à 79, ça fait un peu plus de 4 ans. Ses grands yeux bleus me fixent, intrigué. Et dans quelle région? La même où nous allons, sur la plantation de Mwele. J'étais responsable du magasin de pièces de rechange. Elle en est tellement surprise qu'elle en bégaye. Tu étais responsable du magasin de pièces de rechange? Je ris. Oui. Je venais de quitter l'armée où on m'avait mis au placard en m'affectant au magasin d'habillement. Avant, je comptais les chaussettes. Après, j'ai compté des boulons. Nathalie me regarde fixement, les yeux écarquillés. Tu plaisantes, je suppose. Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, mis au placard? Non. Non, je suis très sérieux. Mais tu devrais boire ton champagne. Chaud, c'est pas bon. J'avance mon verre, nous trinquons. Elle, qui d'ordinaire savoure ses bulles, avale une gorgée sans plus très bien savoir où elle est ni ce qu'elle boit. Trop d'émotion en peu de temps. Une gorgée, et je repose mon verre. Mis au placard est une expression pour dire de façon imagée que l'on est mis à l'écart. Je n'ai pas toujours été très discipliné dans l'armée, on me l'a fait payer. Nathalie reprend une gorgée, tout saute. D'accord. Mais si j'ai bien tout compris, tu as quitté le Gabon pour le siège du groupe à Paris en 1980. Tu occupes donc ce poste depuis 4 ans. Non, pas au début. Ça ne fait que 2 ans que j'ai été nommé coordinateur logistique. Elle me prend les mains et, sans se soucier des autres passagers dont certains pourraient me connaître, m'embrasse doucement. Sa bouche est toujours si tendre. Je savoure ses lèvres et le petit bout de langue qu'elle m'abandonne un court instant. Ses yeux ont retrouvé leur paillette d'or. Le champagne ou le bisou? John, tu es comme ces meubles à secret où il y a toujours un tiroir caché à découvrir. Une telle ascension professionnelle en si peu de temps, c'est à peine croyable. Ma grimace la surprend. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Non, mais ce ne sont pas que des bons souvenirs. Son verre s'immobilise à quelques centimètres de ses lèvres. Ah, oui. Quand je suis arrivé sur le site en 78, il y avait une telle pagaille que ça m'a pris plus d'un an pour concevoir et mettre en place un système de gestion cohérent. J'ai travaillé 14 heures par jour et 6 jours et demi sur 7. Je gardais juste mes dimanches après-midi pour me reposer, et encore, c'était lorsque ma femme s'était fâchée la veille. Nathalie se hâte de boire une gorgée avant de ne plus pouvoir déglutir. 90 heures par semaine pendant plus d'un an, avec une seule demi-journée de repos de temps à autre. Personne ne peut tenir un rythme pareil. Et je n'ai pas tenu. C'est-à-dire, j'ai craqué. Et j'ai passé mes 3 mois de congé sous antidépresseur. Elle passe sa main sur ma joue. C'était de la folie, John. Pourquoi avoir fait une chose pareille? Parce que je suis stupide. J'avais entendu un de mes collègues dire que, comme mes 2 prédécesseurs, je ne tiendrais pas 1 mois. Non seulement j'ai tenu 18 mois, mais j'ai réussi à monter et à faire tourner un service en formant personnellement chacun de mes 15 agents. Nat m'effleure les lèvres du bout de l'index. Je comprends maintenant pourquoi tu as directement été recruté au siège. Monsieur Lassalle savait ce qu'il faisait. Des hommes comme toi, ça ne court pas les rues. Il m'est arrivé de travailler très dur en période d'examen, mais jamais au point de me rendre malade. Mon sourire l'interpelle. Qu'est-ce qui t'amuse autant? Je me souviens de ce que tu m'as raconté. Tu avais une soupape de sécurité que je n'avais pas. Elle a l'air sincèrement étonnée. Ah, et laquelle? Je souris encore. C'est toi qui me l'as dit, le sexe. Un garçon 2 à 3 fois par mois. Et si j'ai bien tout retenu, tu changeais souvent de partenaire. Ses yeux se plissent, elle mordit sa lèvre. John, ce n'est pas très fair-play. Tu sais très bien qu'évoquer ce genre de choses n'est pas sans conséquence pour moi. Je demande. Et pourquoi ne serait-ce pas fair-play? Son regard bleu filtre à travers ses paupières mi-closes. Parce qu'au cas où il te viendra l'idée de vouloir soulager la tension extrême dans laquelle tu viens de me mettre, je te fais juste remarquer que nous ne sommes pas seuls. Je la fixe, l'air gourmand. Il y a les toilettes. Ses yeux s'arrondissent. D'accord. Je sais qu'après une journée comme celle-là, j'en ai particulièrement besoin, mais pas au point d'en faire profiter l'hôtesse et les passagers. Je n'y crois pas trop, mais j'insiste un peu. Ce genre d'endroit est muni d'une porte, oui, et tout aussi mince que les cloisons. Tu te souviens sans doute qu'à ces moments-là, je suis tout sauf discrète. Je prends ses mains, les embrasse une à une. Je te promets de me faire pardonner. Ses yeux brillent de désir lorsqu'elle me dit... Lorsque j'étais une vilaine fille, j'ai droit à une fessée. mais je me vois mal t'en donner une. Donc, ce soir, pour te punir, je te raconterai un de mes week-ends à l'université, et bien sûr, sans en omettre le moindre détail. Tiens, celui avec les deux amis si mignons, par exemple. Tu sais bien que ce sera tout sauf une punition. Son sourire est diabolique. Tout comme pour moi les fessées. À cet instant, amorçant un virage à droite, l'avion s'incline sur l'aile. Dans 10 minutes, nous survolerons l'Astourville et dans moins d'une demi-heure, nous atterrirons à Mbengue. L'air toujours aussi aimable qu'à l'accoutumée, M. Bouma s'avance vers nous, je fais les présentations. « Monsieur Bouma, je vous présente Mme Lorlaine, docteur en géophysique et chargée de mission de la NASA. Mme Lorlaine, je vous présente M. Bouma, DRH de la SOSUGA. » Bouma est une caricature de Bateke, moins d'1m60, 40 kilos, un visage plat sans presque une ride, et sans la moindre expression. Il n'est pas davantage possible de savoir ce qu'il pense que de lui donner un âge. Une seule chose le trahit, le blanc de ses yeux injecté de sang. Cet homme est capable d'ingurgiter des quantités d'alcool qui tueraient net un éléphant, sans en paraître incommodé loin du monde, jusqu'au moment où, sans que rien ne le laisse présager, il tombe raide d'un coup. À jeun, il est très efficace et mériterait largement qu'on adjoigne à son titre celui de directeur des relations publiques. M. Bouma est apparenté au président et même s'il n'est pas bien grand, il a le bras très long. Tout le monde lui obéit sans discuter. Il nous en fait la démonstration dans l'instant. Un geste discret de la main et les deux agents qui l'accompagnent se précipitent, l'un sur nos mallettes, l'autre sur nos tickets de bagages et nos billets. Bouma nous fait signe de la tête. « Madame, Monsieur Rein, si vous voulez bien me suivre. » Nous traversons un hall étroit et sombre qui, comme tout l'aéroport, n'a pas vu d'équipe de nettoyage depuis des lustres. À peine débouchons-nous sur le trottoir extérieur ou ce qui y ressemble, qu'un jeune garçon vient vers nous, s'arrête à 2 pas de Bouma et s'incline. Il remet une enveloppe de cette manière si particulière qu'ont les Africains pour marquer respect et déférence. La main gauche soutient la droite qui tient le pli. Bouma prend l'enveloppe et d'un petit geste agacé de la main, fait signe au jeune homme de s'écarter. Je me penche vers Nathalie. Dans l'entreprise, il n'est peut-être que de RH, mais au niveau du pays, c'est quelqu'un de très influent. Cousin du président, je crois. Ça, c'était une des nombreuses sollicitations qu'il reçoit chaque jour. Tout en marchant 2 pas derrière Bouma, Nathalie murmure pour n'être entendue que de moi. On se croirait au Moyen-Âge. Tu as tout compris. Comme partout en Afrique, les institutions du pays ne sont qu'un rideau de fumée qui cache le véritable fonctionnement du pouvoir. Tout ici est régi par les lois de la coutume. Celle qui s'imposait bien avant l'arrivée des Blancs. Je t'expliquerai à l'occasion. Là, pour développer, c'est un peu compliqué et... Je m'interromps. Un Pajero suivi d'un pick-up Toyota tourne à l'angle du bâtiment et se gare juste devant nous. Dans le Toyota soigneusement bâché, le matériel de Nathalie. Je suis quelque peu surpris de la rapidité avec laquelle le chauffeur et son aide ont chargé le pick-up. Il y a tout juste un quart d'heure que nous avons débarqué de l'avion. Je suppose que Paul Langlois n'est pas étranger à ce petit exploit et qu'en liaison avec l'escale de Libreville et celle de Mbengue, il a fait charger en dernier les précieuses malivalises pour qu'elles soient récupérées dès l'ouverture de la soute. Paul Langlois est le directeur d'exploitation de la SOSUGA. En poste depuis 2 ans, c'est un homme que j'ai toujours apprécié tant pour ses qualités humaines que professionnelles. Sans même un mot pour nous inviter à monter, Bouma prend place à côté du chauffeur. C'est un autre point commun à beaucoup de Batéké. Les bonnes manières ne sont pas leur tasse de thé. Pour bien marquer ma désapprobation, j'aide ostensiblement Nathalie à s'installer, puis prenant tout mon temps, je contourne le véhicule par l'arrière avant de monter à mon tour. Le trajet n'est pas très long jusqu'à la plantation de Mwele. Une 20aine de kilomètres d'une route goudronnée en relativement bon état qui traverse quelques villages. Il convient cependant de s'y montrer prudent, compte tenu du nombre de chèvres qui élisent domicile en plein milieu de la chaussée. Inutile d'essayer d'expliquer aux villageois qu'ils devraient parquer leurs animaux. La route traverse leur village, ils sont ici chez eux, et leurs chèvres vont où elles veulent. Le fait qu'ils se soient installés après la construction de la chaussée ne change rien à l'affaire, et toute tentative de discussion sur le sujet se termine en général par l'apparition de machettes bien affûtées. Pendant que le chauffeur slalome entre les chèvres, j'observe Nathalie à la dérobée. En toute logique, je devrais lire l'étonnement sur son visage. C'est en général le cas pour ceux qui font ce trajet pour la première fois. C'est à moi d'être étonné, elle est parfaitement détendue, et j'ai même droit à un petit sourire. J'en viens à me demander si les vaches se promènent en liberté sur les routes du Texas. Naturellement non, pas au Texas, mais en Irlande, où ce ne sont ni des vaches ni des chèvres, mais des moutons, qui se prélassent sur les routes, donc rien que de très normal pour elles. Quelques villages et troupeaux de chèvres plus loin, un gigantesque panneau nous invite à prendre une piste sur la gauche, saut sugab, complexe sucrier. Après une zone herbeuse qui sépare la plantation de la route, la piste s'enfonce tout droit au milieu des parcelles de canne à sucre. Nous sommes à 3 mois du début de la campagne de récolte et les cannes sont déjà hautes. Un pont étroit sur l'allée Bombie, rivière encaissée et tumultueuse. Loin devant, sur la droite, la silhouette imposante de l'usine avec les bureaux et la cité cadre. Lorsqu'après 2 kilomètres, le Pajero s'immobilise devant l'entrée du bâtiment administratif, je remarque que quelque chose a changé. La dernière fois, lorsque je suis venu, un peu avant Noël, la façade avait besoin d'un bon coup de peinture. C'est maintenant chose faite. Il y a même 2 grandes jardinières plantées de fleurs qui encadrent l'entrée. Tout est encore tellement frais qu'il semble que cela ait été fait hier. Je connais bien Longois, c'est son petit clin d'œil en signe de bienvenue, à Nathalie en particulier. Bouma nous précède dans le hall. Je vais vous laisser là, une urgence à régler. Vous êtes attendu par messieurs Sabi et Longois. Vous connaissez le chemin. Vos bagages vont être directement déposés à la villa de passage où vous êtes hébergé. Il me tend les clés du Pajero. Le véhicule vous est attribué, mais nous n'avons pas beaucoup de chauffeurs. Il vous faudra conduire vous-même. Je le remercie d'un signe de tête et, précédant Nathalie, prend le couloir de droite qui conduit au bureau de la direction. Une pression de ses doigts sur mon bras. Il est toujours aussi aimable. Je réponds suffisamment fort pour être entendu de l'intéressé. Aujourd'hui, c'était un bon jour. Puis baissant la voix. Ce n'est pas le grand amour avec Sabi, le DG, et il ne voulait pas marquer sa subordination. Surtout que Sabi est un Fang, l'ethnie avec laquelle les Batekés ne sympathisent guère. Dernière porte au fond à gauche, je frappe, ouvre et m'efface pour laisser passer Nathalie. J'entre à mon tour. Madame Delaplace, la secrétaire de direction, manque laisser tomber le dossier qu'elle s'apprêtait à ranger. C'est l'effet de Nathalie. Depuis le début de cette mission, partout où nous allons, c'est à chaque fois la même expression de surprise sur les visages. Il faut croire que dans l'inconscient collectif, un ou une scientifique ne peut être qu'une personne d'une 60aine d'années et moche de surcroît. Le temps de faire les présentations, Madame Delaplace se remet de sa surprise. Souriante, comme à l'accoutumée, elle nous indique la porte sur notre droite. Madame Laoline, Monsieur Rin, Monsieur Sabi et Longois vous attendent. Nous avons reçu la lettre de Monsieur Lassalle depuis 15aine et tout est prêt. Ils vous expliqueront. Tout à l'opposé des instants passés en compagnie de Bouma, l'entrevue avec le binôme de direction va être très agréable. Les présentations faites, Sabi nous fait asseoir dans le somptueux salon qui occupe tout un coin de son immense bureau, et Madame Delaplace vient nous servir thé et café. Petit exposé de Nathalie sur sa mission et enthousiasme de Longois lorsqu'il apprend qu'elle est du Texas. Il en garde un excellent souvenir et est intarissable à un point tel que j'ai du mal à placer un mot pour préciser mon rôle dans cette mission. Je ne sais si ce sont les souvenirs du Texas ou le contenu du débardeur de Nathalie qui rendent Longois si bavard. Sans doute un peu les deux. Elle fait mine de ne pas s'en rendre compte, mais je sais bien qu'elle en est tout sauf mécontente. Sourire amusé de Sabi, qui, outre la volubilité de son adjoint, a fort bien remarqué la direction de son regard. À n'en pas douter, les seins de Nathalie sont de puissants aimants. Sabi est un homme assez grand et bien bâti. À n'en pas douter, un Fang, visage agréable, toujours souriant, ce qui nous change de la mine renfrognée habituelle au Batéké. Longois, quant à lui, est un très bel homme. Silhouette élancée, les traits fins, le cheveu poivre et sel. On l'imagine mieux en smoking dans une soirée mondaine qu'en jean et pataugas au milieu d'une plantation. Après quelques gorgées de café, Sabi se lève et se dirige vers 2 cartes murales de la région, invitant Nathalie à le suivre. Il lui tend une règle. Pouvez-vous nous indiquer les points où vous effectuerez vos relevés? La première carte ne représente que la zone couverte par la plantation. Du bout de la règle, Nathalie désigne les 3 emplacements où elle devra opérer. Pour les 5 autres, C'est la carte englobant la région sud de Franceville qui est concernée. Afin d'éviter des trajets interminables lorsque nous serons sur cette zone, il est convenu que nous irons nous installer à Franceville. Mais alors que Sabi propose l'hôtel Mazoukou, je suggère plutôt d'appeler Sylvain Tanneau. C'est le directeur du CIRVF et un très bon ami. Nous pourrions louer une des villas du centre pour 10 jours. Ma proposition est un peu hypocrite car je sais pertinemment que Sylvain tiendra absolument à nous recevoir chez lui. Une grande et magnifique villa implantée sur une colline surplombant la Mpassa, affluent de l'Ogoué. Cela fait 5 ans que je connais le couple Nwapa et je sais que le courant passera très vite avec Nathalie. En attendant, il va falloir songer à nous installer sur la plantation. Bien que je connaisse parfaitement la villa de passage, l'Ongoué est déjà là à nous attendre. Avant même que j'aie coupé le moteur, il se précipite pour ouvrir la portière de Nathalie, qui, en descendant du véhicule, le gratifie d'un sourire et d'un petit signe de tête. « Merci, monsieur Longoy. Appelez-moi Paul. »« Ok, moi c'est Nathalie. Je vous suis, Paul. » Le temps que je ferme ma portière, ils sont en haut des 3 marches qui mènent à la grande terrasse sur l'avant de la villa. Galamment, Paul fait passer Nathalie devant lui. Tout à l'heure, il admirait le côté face, maintenant c'est le côté pile. Les rejoignant en haut des marches, j'ai presque l'impression d'être un trouble-fête. La cité cadre est bâtie sur un coteau et la villa de passage, autrefois villa du directeur, en est le point culminant. D'ici, la vue est magnifique, sur l'usine vers la gauche et sur les champs de canne vers la droite. Paul détaille le panorama et conclut pour Nathalie. « Avec le Brésil, ce pays est un des plus beaux que je connaisse. » Il se tourne vers moi. « Mais vous ne trouverez pas meilleur guide que Jean. » Il connaît la région comme sa poche. Ce disant, il ouvre la porte donnant directement dans le séjour et s'efface pour nous laisser passer. « Excusez-moi. Juste un coup d'œil pour voir si tout est en ordre et je vous laisse. Jean vous fera les honneurs de la visite. Il a déjà séjourné ici et il connaît la maison mieux que moi. S'il vous manque quelque chose, surtout n'hésitez pas et... » Nathalie l'interrompt de son plus charmant sourire. « Justement, Paul. Comme toute Américaine qui se respecte, j'ai beaucoup de mal à tenir toute une matinée avec un petit déjeuner français dans l'estomac. Serait-il possible d'avoir de quoi préparer un vrai breakfast ?» De la poche de sa chemise, Paul sort le petit carnet qui ne le quitte jamais. « Faites-moi votre liste, je transmets à l'économat et vous serez approvisionné dans moins d'une heure. » J'explique à Nathalie que l'économat est la supérette du complexe et que l'on y trouve pratiquement tout, y compris du bacon. 5 minutes plus tard, la liste de courses terminée, Paul prend congé. « Je crois que vous devez être fatigué du voyage et que vous préférez dîner rapidement ce soir. Le club est à 2 pas, mais si vous le souhaitez, ils pourront vous servir ici. » Sur le point de sortir, il se ravise. « Mais demain, vous n'y couperez pas. Vous serez mes invités. À demain donc, vers 19h, et bonne soirée. » Un petit signe de la main, il passe la baie, descend les escaliers en 2 enjambées. L'instant d'après, c'est le bruit du moteur de son Pajero qui s'éloigne. Nathalie et moi nous regardons, étonnés de nous trouver seuls, enfin. Un pas et elle se laisse tomber dans le canapé, me tendant les bras. Je la rejoins et elle se blottit contre moi avec un gros soupir. « Seigneur, je croyais qu'il n'allait plus partir. » Elle m'embrasse avec tendresse et peut-être aussi un zeste d'espièglerie. Je ne suis pas très gentil de dire ça, cet homme est adorable. Elle fronce les sourcils. Comme il l'a dit, ce pays doit être magnifique, mais pour l'instant je le trouve surtout étrange. Depuis que je suis avec toi en Afrique, c'est la première fois que je ressens tel malaise. Je ne sais à quoi l'attribuer. Les gens me paraissent différents, en tout cas très différents des Tchadiens. Je ne peux que le lui confirmer. Partout ailleurs en Afrique, bien avant l'arrivée des premiers Blancs, les populations maîtrisaient l'agriculture, l'élevage et la métallurgie, parfois à un stade avancé. Ici, les Batikés sont restés des chasseurs-cueilleurs et la manne pétrolière n'a pas arrangé les choses. Depuis des siècles, ces gens-là n'ont jamais rien entrepris, se contentant de prendre ce que la nature leur offrait et ça continue. Le reste du Gabon est un peu différent. Les Fang y sont majoritaires. Ils n'ont rien de commun avec les Batikés, tant par leur physique que par leur mentalité. Le président du Gabon est Bateke. Je te laisse imaginer la suite. Demain, je te montrerai quelque chose qui te fera mieux comprendre pourquoi les gens d'ici sont un peu spéciaux. Elle se dégage doucement de mes bras. Paul, ça fait longtemps qu'il travaille ici. Il entame sa 3e année. Pourquoi? Parce que bien qu'il me drague, j'ai le sentiment qu'il le fait sans trop s'en rendre compte et malgré son air enjoué, j'ai trouvé qu'il y avait de la tristesse dans son regard. C'est un très bel homme, très séduisant, mais paradoxalement, je suis certaine que pas une femme ne voudrait s'approcher de toute la tristesse qu'il essaie de cacher derrière son sourire. J'ai beau connaître le sixième sens de Nathalie, j'avoue être impressionné par sa capacité à ressentir les gens. Je plonge mon regard dans ses grands yeux bleus. C'est vrai. Il est évident que tu lui plais à la façon dont il te regardait tout à l'heure. J'ai même pensé qu'il avait repris goût à la vie. Nathalie a un sursaut, elle me prend les mains. Que veux-tu dire par là? Pour elle a perdu sa femme il y a un peu plus d'un an. Elle est décédée ici même d'une crise de paludisme foudroyante. Elle avait 30 ans. Elle s'appelait Estrella, étoile en portugais. Il a rapatrié son corps au Brésil pour qu'elle repose dans la terre de ses ancêtres, là où elle est née. Nathalie se mord les lèvres, son menton tremble et ses yeux s'embuent. Tu la connaissais? Oui, elle était en brune, ce que tu es en blonde. Une femme magnifique, intelligente et pleine de vie. Deux larmes roulent sur les joues de Nathalie qu'elle essuie d'un revers de main. Mon Dieu, c'est injuste. Pour elle, pour lui. Cet homme a l'air si bon, si doux. Elle me regarde attentivement. Je trouve d'ailleurs que vous vous ressemblez. Pas vraiment le physique, mais vous avez quelque chose de commun dans vos attitudes et jusqu'à cette intonation si particulière sur les fins de phrase. Je souris. Qu'est-ce qui te fait sourire? Nos amis à cran disent que nous sommes deux esprits jumeaux. Deux esprits jumeaux? Vos amis vivent sur la plantation? Non. La diaspora à cran au Gabon est un très petit groupe ethnique originaire du sud de l'actuel Ghana, principalement établi dans la région de Franceville. Mon ami Sylvain et sa femme en font partie et pour ce qui est de leur croyance, ils pensent que nos âmes sont jumelles, que nous sommes la réincarnation de deux jumeaux. Nathalie sourit, enfin. Pardon pour mes lacunes en ethnographie. Pour ce qui est de leur croyance, je trouve que c'est très beau. Et je crois qu'ils ont raison. Il a eu la même façon de me regarder que toi. Tu te rappelles, rue Donou? Je la prends par les épaules et la fixe, l'œil inquisiteur. Es-tu en train de me dire que tu éprouves quelque chose pour lui? Une petite lueur dans ses yeux. Nathalie, la provocatrice, n'est jamais très loin de celle qu'un rien émeut. C'est un homme très séduisant et en d'autres circonstances, je me serais très certainement laissé séduire. Mais pour que j'en sois amoureuse, il faudrait que sa douceur se superpose ce côté sombre et félin qui te caractérise. Aurais-je un côté bad boy? Le bout de ses doigts effleure ma joue. Les bad boys, comme tu dis, ont tous quelque chose d'artificiel. Toi, c'est différent. Tu es un vrai fauve. Et tu en as d'ailleurs la démarche. Pour ce que tu aimes, tu peux être aussi doux qu'une peluche. Mais je n'ai encore jamais vu dans les yeux d'un homme la lueur qu'il y a au fond des tiens. De l'index, je suis le contour de ses lèvres. Des lèvres si pulpeuses qu'on ne peut qu'avoir envie de les mordre. Je dois vraiment avoir l'air d'un fauve affamé. Mes yeux sont rivés aux siens et, de nous deux, je ne sais pas trop qui est le tigre ou la panthère. La panthère blonde aux yeux bleus. Le désir est monté d'un seul coup, brutalement. Quelques mots, un regard y ont suffi. Elle ne dit rien, se lève. En quelques secondes, son débardeur passe par-dessus sa tête et atterrit sur l'accoudoir du canapé, rejoint aussitôt par son soutien-gorge. Elle se rassied. Un geste rapide et les Santiago claquent sur le carrelage. Jeans, culottes et chaussettes sont escamotées tout aussi vite. Elle est nue avant même que je n'ai pu cligner deux fois des yeux. Elle se tourne. À genoux sur le canapé, la poitrine appuyée sur le dossier, elle me présente ses reins. Sans même qu'elle me regarde, je l'entends exiger. « Je t'interdis de te déshabiller. » Ému par tant de beauté, j'hésite un court instant. Elle se cambre. « Viens. » J'en suis certain, elle a feulé. Le livreur de l'économa a failli nous surprendre. Nous n'avons même pas entendu le pick-up se garer au pied de la terrasse et ce sont les petits coups frappés sur la vitre de la baie qui ont rythmé nos derniers spasmes. Heureusement, le voilage était tiré. Ses vêtements sur un bras, l'autre main contenant son intimité, Nathalie file comme une flèche et disparaît dans le couloir menant aux chambres. Je n'ai eu qu'un geste à faire pour redevenir décent, mais je ne suis pas certain que l'expression détachée que je m'applique à afficher peut vraiment donner le change. Le garçon souriant à qui j'ouvre la baie est un des nombreux voltaïques travaillant sur le complexe. À sa carrure et aux scarifications rituelles de son visage, on reconnaît un Mossi, ce grand peuple de guerriers animistes de haute volta, qui a toujours tenu tête à l'islam et aux colonisateurs. Lui et moi, nous connaissons depuis de longues années, et autant qu'il me souvienne, il était déjà gérant de l'Economa lorsque je suis arrivé sur le site. Il porte à bout de bras le carton rempli à ras-bord de paquets de farine, paquets de lait, autres ingrédients et denrées destinés à la confection des pantagruéliques breakfast de Nathalie. Paul a tenu parole. « Bonjour, patron. Bonne arrivée. »« Bonjour, Sanou. Comment vas-tu ? » ? Ça va bien, patron. Le petit apporte le gaz. » Un peu partout en Afrique, le petit désigne un apprenti et ce dernier fait son apparition une lourde bouteille de gaz presque aussi grande que lui juchée sur la tête. Je leur fais signe d'entrer. Ils connaissent le chemin jusqu'à la cuisine. Quelques coups de clé à molette plus tard, le gaz est installé, victuailles rangées au frigo et dans les placards. Je rejoins Nathalie dans sa chambre. Elle sort de la douche, une serviette en turban enveloppant ses cheveux. Son sourire, sa démarche ondulante et affectée, ferait fondre les glaces de l'Antarctique en quelques minutes. Elle passe un peignoir éponge. Je m'approche, l'enlace. Elle est encore toute humide. J'embrasse son cou au creux de l'oreille. Je vois sa peau se hérisser de mille grains. Elle sera prête à rouvrir les hostilités. Je me détache d'elle à regret. Elle sent si bon. Quant à moi, j'ai surtout besoin d'une douche. Tout est rangé, et le gaz installé. J'ai vérifié et je crois qu'il ne manque rien. Il n'y a pas de sirop d'érable, mais je ne sais comment. Ils ont trouvé du miel pour les pancakes. Je crois que je vais aller prendre une douche. J'ai tout débité d'une traite. Elle me regarde, l'air amusé. Ah, j'en étais resté à l'épisode précédent. Tu as raison, va prendre une douche. Je ne déteste pas, mais c'est vrai, tu n'as pas que l'allure d'un fauve. Elle éclate de rire et file se réfugier dans le séjour. Il m'a fallu une grosse demi-heure pour ranger mes affaires, prendre une douche et me changer. Lorsque je reviens dans le séjour, pas de Nathalie. Je retourne à sa chambre, la porte est fermée. Je frappe, rien. Où a-t-elle bien pu passer ? La réponse me vient en même temps que la question et je me dirige vers la porte au fond du couloir. Elle est entr'ouverte et si j'en juge par les quelques bruits qui me parviennent, Nathalie est là. J'entre. J'aurais dû m'en douter. Elle est bien dans cette pièce vide où a été entreposé son matériel. Elle vérifie chaque malle, mallette et balise. Du coin de l'œil, elle m'a vu entrer, mais imperturbable, continue son inspection. Je demande. Tout va bien ? Une grimace. Oui, sauf cette cochonnerie qui colle et qui pue. En entrant, j'ai tout de suite senti l'odeur du manioc fermenté. Je m'approche. On devrait appeler Air Gabon, Air Manioc. Je n'ai jamais fait un seul voyage dans ces fichus avions sans que ma balise ne soit toute salopée. Attends, je reviens. Éponge, liquide vaisselle et huile de coude. Les malles de Nathalie sont comme neuves. Ici, il vaut mieux oublier la balise en toile parce que là, c'est contenant et contenu qui y passe. De retour dans le séjour, je jette un coup d'œil à ma montre. Une petite faim peut-être ? Tu préfères qu'on aille au club ou qu'on appelle au room service ? J'ai cru comprendre que c'était juste à côté. Oui, à deux pas, et la gérante, Madame Rodriguez, a inscrit les spécialités portugaises et brésiliennes à la carte, comme le cocido et le feijoada. Peut-être un peu lourd pour un dîner. Le bar et la salle de restaurant du club sont assez animés. Beaucoup de cadres européens, avec ou sans leurs épouses, et une bonne dizaine de techniciens d'entreprises prestataires venus préparer l'usine et les engins pour la campagne de récolte. Très peu d'Africains. Mis dans un coin du bar, la mine toujours aussi souriante, et son éternel régab. Une bière blonde, dont le nom est une contraction de régie gabonaise de boisson, est vite devenue dans le langage populaire « regardez les Gabonais boire ». Le moins que l'on puisse dire est que Nathalie ne passe pas inaperçue. Avec elle, c'est le Texas et toute l'Amérique qui font leur entrée au club de la Sosugab, débardeur et jean slim au pied, la vieille paire de sentiers qu'elle réserve à la détente ou à la danse country. Sa crinière d'or cascade sur ses épaules. À son entrée, le silence s'est fait, et il n'est pas une paire d'yeux qui n'est fixée sur elle. Nous ne pourrons y couper et j'entame le tour de mes connaissances pour les saluer et présenter Nathalie. Comme à chaque fois, c'est le même étonnement. C'est vous la scientifique de la NASA ? Décidément, rares sont ceux capables de superposer l'image qu'ils se faisaient de la géophysicienne dont la direction avait annoncé l'arrivée, avec le look de top modèle de Nathalie. Ceux qui maîtrisent la langue se croient même obligés de lui souhaiter la bienvenue en anglais. Pour chacun, elle a un mot aimable et toujours son adorable sourire. prétextant la fatigue du voyage et une journée chargée pour le lendemain, je dois bien refuser une bonne dizaine d'invitations à prendre un verre. J'aurais dû parier. Au menu, ce soir, un cosido, sorte de pot-au-feu portugais. Madame Rodriguez ne laisse à personne le soin de nous servir et nous avons droit à une double ration. Tout comme moi, Nathalie a l'habitude de dîner léger, mais la cuisine portugaise et une faim de loup nous ont changé en ogre. Si roborative qu'elle était, le plat de cosido n'avait aucune chance. Lorsqu'après avoir complimenté notre hôtesse, nous regagnons notre gîte, Nathalie fait de gros efforts pour garder les yeux ouverts. Émotion, fatigue et digestion lui laissent juste assez d'énergie pour le brossage des dents. Je me charge du déshabillage et lorsque je me glisse contre elle sous les draps, elle se blottit dans mes bras en marmonnant des mots inintelligibles. Si elle s'en souvient, il me faudra attendre demain pour avoir les sous-titres. Pour l'instant, elle dort déjà.